Bonjour et bienvenue dans l'émission de l'association La Boussole. Aujourd'hui, nous venons vous présenter la troisième édition de l'exposition L'Atelier, qui aura lieu à partir du mardi 5 décembre et jusqu'au mardi 15 décembre au sein de la pension de famille Gestart à rue de l'Agatois à Montpellier. Pour présenter cette exposition, nous avons aujourd'hui plusieurs invités dans nos studios de Radio Clapas, et notamment Victoria, qui est travailleur social à la pension de famille Gestart et qui fait partie de l'organisation de cette exposition. Bonjour Victoria. Bonjour. Nous avons également Fabrice, résident de la pension de famille et qui travaille aussi dans l'organisation de cette exposition. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et enfin, nous avons Claude qui vient en tant qu'artiste nous présenter un peu son travail et ce qu'il va exposer cette année lors de l'exposition. Bonjour. Bonjour Claude. Donc, pour mémoire, c'est la deuxième année que vous venez nous présenter cette exposition. Vous étiez déjà venu l'année dernière. Donc, on va pouvoir de nouveau aujourd'hui présenter aux auditeurs cette exposition, faire un petit peu le bilan des années précédentes et puis voir un peu ce qui se propose cette année et notamment les nouveautés qui vont avoir lieu durant cette exposition. Donc, je le rappelle à tout le monde, cette exposition, elle débute le mardi 5 décembre. Il y a un vernissage à 17h, si je ne me trompe pas. 19h, pardon. Et donc ensuite, vous pourrez vous présenter au sein de la pension de famille du lundi au vendredi, de 10h à 17h, pour venir découvrir les différentes œuvres qu'on va vous présenter. Donc pour rentrer dans le vif du sujet directement, Victoria, bonjour. Rebonjour. Bonjour, rebonjour. Donc tu étais déjà venue l'année dernière, tu es encore présente cette année sur cette exposition. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de cette exposition, de la pension de famille un peu en général? Et voilà, de nous présenter cette exposition à l'atelier. Donc, bonjour à tous. Donc, la première chose à dire, que c'est la troisième édition donc, de l'exposition L'Atelier, qui a lieu donc à la pension des familles et qui porte le même nom, L'Atelier, qui est la pension des familles de l'association Gestart. Un peu pour vous mettre un peu sur qu'est-ce que c'est une pension des familles, je voulais vous dire que c'est un dispositif de logement accompagné, donc, c'est-à-dire que les personnes, nous n'accueillons des personnes qui sont dans leur logement, mais que ils ont besoin d'une petite présence de notre part, des travailleurs sociaux, pour les accompagner au quotidien. Il y en a la pension de famille de l'association Gestart, il y a 23 places. Donc il y en a 23 adultes, qui, hommes et femmes, qui habitent avec nous et avec lesquels on partage au quotidien des activités, des repas, des moments de rencontre, et qu'on est dans une idée d'ouvrir justement ces quotidiens à l'extérieur et les intégrer en tant que citoyens avec tous leurs droits qu'ils possèdent déjà, mais qu'il faut qu'ils se rappellent encore, qu'ils sont des citoyens et qu'ils ont les droits de vivre dans cette société où ils ont toute leur place. Donc c'est une structure collective où, à l'intérieur, chacun a son propre appartement. Voilà, les pensions de famille sont toujours composées d'une partie privative, donc des studios, donc dans notre cas, il y en a 23 studios, et des parties communes dans lesquelles on les utilise pour vivre des moments ensemble. D'accord. Et donc, cette exposition, l'atelier, s'inscrit un peu dans les activités que vous pouvez avoir tout au long de l'année dans la pension de famille. Voilà, c'est un des plusieurs activités qu'on fait à la pension de famille, sachant que c'est aussi une idée d'ouvrir cette pension de famille. C'est un peu dans la logique de nos missions, d'ouvrir cette pension de famille à l'extérieur et créer des moments d'échange et de rencontres au sein de notre structure. Et cette exposition vient comme un projet, justement, qu'on a réfléchi pour donner une possibilité, pour donner un lieu à des personnes qui rencontrent, pas seulement à la pension des familles, mais dans toutes les structures sociales de la ville et même de la région, de leur donner, et qui ont une sensibilité artistique, de pouvoir leur donner un lieu pour exposer et pour créer un moment d'échange avec les personnes qui peuvent montrer un peu ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent donner. Alors oui, c'est ce qui est important aussi à noter, c'est que du coup, c'est une exposition qui a lieu, qui est organisée par la pension de famille et dans les locaux de la pension de famille, mais du coup qui est ouverte à l'ensemble des artistes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitent venir exposer leur travail pourront exposer au sein de la pension de famille et vous n'aurez pas forcément des créations de personnes, du travail de personnes de la pension de famille, et Claude en est d'ailleurs un exemple. parce qu'il fait exposer, il n'en fait pas partie. Mmh. Et deuxième, donc autre point, au-delà de créer un lieu de création et d'expression pour les personnes, voilà, il y a une volonté d'ouvrir sur l'extérieur. C'est-à-dire que même si c'est une pension de famille où sont accueillies les personnes, toute personne est bienvenue pour venir découvrir les œuvres des différents artistes. Et c'est une des idées principales d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner l'adresse exacte ? Parce que je ne l'ai pas mentionnée et je ne la connais pas de tête. Non, t'inquiète pas, moi je la connais bien. Donc, l'adresse est le 283 rue de la Gatoie. Ici, on est dans la Mosson, dans Haute-Massane. D'accord, oui, c'est derrière l'arrêt de tram Haute-Massane. Voilà. Vous pouvez y aller jusqu'en tram. Sinon, voilà, rue de la Gatoie, C'est pas très compliqué à trouver. Donc c'est à partir du mardi 5 décembre et jusqu'au 15 décembre. Et donc au niveau de l'exposition en elle-même, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Combien d'artistes vous avez ? Comment un peu tout ça va se dérouler ? Comment ça s'est un petit peu mis en place ? Alors, la mise en place, c'est justement contacter un peu partout nos anciens artistes, déjà comme Claude, et leur donner encore la possibilité d'exposer. On est toujours ravis de les retrouver à ce moment-là. Mais sinon aussi, faire un petit tour d'horizon dans toutes les différentes structures ou des autres personnes, les sensibiliser au projet qui peuvent ou qui veulent bien venir à exposer avec nous. Donc, l'idée, c'est vraiment transformer cette pension de famille dans une galerie d'art. Mm-hmm. On bouge pas mal de meubles. On a la preuve hier avec Fabrice, on a déménagé un peu tout. On installe tout pour que les personnes peuvent venir lundi, parce que c'est lundi le jour d'accrochage, et commencer à installer tous ces tableaux, les différents formats artistiques qu'il peut avoir. Sachant que cette exposition, elle est ouverte à toute forme de production artistique. On a la photo, voilà, la céramique, la sculpture, on a des tableaux, on a des vidéos aussi, comme mm-hmm. l'année dernière. Donc ça a très bien marché, c'est une nouveauté pour nous et on a arrivé à mettre en place ça. C'est ouvert à toute. Et c'est très large. Donc c'est de la photo, large, de la sculpture, de la peinture, de la vidéo, de la céramique. Voilà. Nous, on est toujours ravis de retrouver de nouvelles axes de travail. Donc, toutes les personnes avec n'importe quel type de production est bienvenue. Quoi. Et d'ailleurs, comment un peu ça s'est mis en place ? C'est-à-dire que ça fait combien de temps que vous avez sollicité un peu les structures ? Comment vous avez eu des retours d'artistes ? Est-ce qu'il y a eu des artistes qui ont travaillé seuls de leur côté ? Est-ce que vous avez accompagné des ateliers ? Comment un peu tout ça s'est mis en place ? Alors, il y a une grande partie d'artistes qui sont dans ces structures, des fois aussi sur des ateliers artistiques qui sont au sein de leur structure mm-hmm. et qui en profitent de ces moments aussi pour montrer leur production de ça. Il y a des autres artistes comme Claude qui ne fait pas partie des structures, qu'on le connaît, on a partagé avec lui des autres moments sur des activités, même à travers la boussole, et qu'il travaille de son côté dans sa production personnelle et sa sensibilité à lui. Et voilà, des autres, on essaie de repérer, on a de tout, on a des personnes solitaires qui vont travailler sur sa propre sensibilité artistique, et il y a des autres personnes qui sont à travers des ateliers, donc en fait, on pioche sur partout, tout le monde, ouais. Et on est toujours surpris des différentes formes qui prend la production artistique dans chaque personne. Quoi. Chaque personne a une histoire différente, en fait. Et est-ce que vous limitez un nombre d'artistes ou aujourd'hui, par exemple, vous êtes à combien d'exposants, à peu près ? Si je ne me trompe pas, on est à 22 personnes. 22 personnes, oui. Autour D'accord. de 22 personnes. Après, il y a l'œuvre collective qui a 4 personnes aussi dedans. Donc, 22-23 personnes par là. D'accord, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'artistes. Que des personnes de Montpellier ou est-ce que on a des personnes de la région, donc on a des personnes de Alès, de la Grande Combe, de Nîmes aussi, mm-hmm. et après de Montpellier. Hommes et femmes réunis ? Tous, hommes et femmes, vieux, jeunes, tout. D'accord. Donc je vous rappelle, donc c'est à partir du mardi 5 décembre, donc vernissage de l'exposition à l'atelier. Vous pourrez y retrouver donc des photos, de la vidéo, de la céramique, de la sculpture, enfin un ensemble varié d'art avec donc un peu plus d'une vingtaine d'exposants. On va faire une première pause dans cette émission et puis ensuite on fera connaissance de nouveau avec Claude qui viendra un petit peu nous parler aussi de son travail des années précédentes et de ce qu'il va exposer cette année. En attendant, on va écouter un morceau de Nina Simone. De retour dans l'émission de l'association La Boussole, où aujourd'hui nous vous présentons l'exposition L'Atelier. J'en profite de nouveau pour remercier Radio Clapas de nous accueillir sur les antennes du 93.5 FM. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les informations sur le Facebook du Radio Clapas et également sur le Facebook de l'association La Boussole. Sur le site aussi de Radio Clapas, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast. Donc comme je le disais, nous avons aujourd'hui dans les studios des personnes qui viennent nous présenter l'exposition qui aura lieu à partir du mardi 5 décembre à la pension de famille L'Atelier de l'association Gestar. Donc Victoria, Fabrice et Claude sont dans nos studios pour nous parler de cette exposition. Donc Victoria a pu nous présenter un peu l'historique de cette exposition, qu'est-ce que c'était qu'une pension de famille, comment cette exposition qui est la troisième édition avait vu le jour, comment ça se mettait en place. Vous pourrez retrouver une vingtaine d'artistes lors de cette exposition, de la sculpture, de la céramique, de la photo, de la vidéo et de la peinture. Avant d'échanger avec Claude, qui est l'un des artistes de cette exposition, on voulait faire un petit mettre en avant un peu un des partenaires de cette exposition, qui est la Fondation Abbé Pierre, qui soutient aussi beaucoup d'actions de l'association La Boussole. Donc Victoria, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots sur la Fondation Abbé Pierre et le lien avec cette exposition ? La Fondation Abbé Pierre, c'est un partenaire depuis longtemps de la pension des familles et du fait que c'est un peu à l'origine de ce type de structure d'accueil, de logement accompagné. Mais il y a cet aspect-là, mais surtout l'aspect de que la Fondation Abbé Pierre, il soutient toutes les activités aussi qui ouvrent le droit à toutes les personnes, à la culture. À l'accès à la culture. Ouais, c'est à l'accès à la culture. Ils sont vraiment dans une démarche des droits de la culture pour tous. Mmh. Et dans cette idée-là, ils nous soutiennent dans notre exposition, mais pas que. Dans notre exposition. À niveau national aussi, il y a le festival C'est pas de luxe qui va avoir lieu en septembre de cette année, où aussi on met un point d'honneur à comment on peut, tout le monde, n'importe qui, n'importe quel citoyen, et avoir un accès, être participer de la dynamique artistique et sociale. Donc voilà, on les remercie tout le temps, pas seulement pour notre exposition, mais sinon pour tout cet appui qu'ils donnent à toutes les personnes qui vont faire l'effort de créer. Non, mais le message est passé. Hein. Voilà, la Fondation Abbé Pierre soutient énormément l'accès à la culture pour les personnes en situation de précarité et on voulait les mettre en avant. Donc Claude, rebonjour. Rebonjour. On s'était déjà vu l'année dernière. Oui. Dans cette émission, peut venir présenter le travail. On s'était vu même à d'autres émissions. Exact. Tu participes activement à beaucoup de projets culturels. C'est donc vrai. Tu es de nouveau présent cette année. On a aussi, pour certaines personnes, on a pu peut-être te voir aussi à la journée du 17 octobre du Refus de la Misère, où oui. Tu avais aussi exposé certains de tes tableaux. Oui. Et donc aujourd'hui, on va te retrouver dans cette exposition. Oui. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, à la fois du travail que tu as pu fournir pour cette exposition-là, de tes ressentis aussi, peut-être un peu sur l'année dernière, savoir un petit peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, qu'est-ce que tu attends toi un peu de cette exposition et comment tu as vécu tout ça? Mon ressenti par rapport à l'année dernière, bon, c'est toujours une émotion de voir quelqu'un partir avec un de ses dessins. C'est quelque chose de, pour moi, que je croyais impossible. Hein. On croise des gens qui nous disent « c'est joli ce que tu fais », voilà. Mais bon, de là à franchir le pas de l'acheter, il y a quelque chose qui se passe et que... Voilà. J'ai l'impression, chaque fois, de rentrer dans l'intimité des gens, si on veut. Hein. Les gens vont m'exposer dans leur chambre, vont m'exposer, vous voyez. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu rentrer dans l'intimité des gens et il se passe vraiment quelque chose pour moi. Pour chaque personne qui a un de mes dessins, pour moi, c'est comme quelqu'un de ma famille, quoi. C'est vrai, c'est vrai, ouais, j'exagère pas. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et donc, cette année, qu'est-ce que tu as produit pour l'exposition? Tu vas exposer beaucoup de tableaux Ben oui, j'en ai une dizaine. En fait, je suis resté sur le même thème. Mais je peins, j'ai flashé lors d'un spectacle sur le clown Slava. J'ai commencé à le peindre. Alors, moi, je ne connais pas ce clown. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas non plus? Parce que moi, j'ai découvert ça à l'exposition du 17 octobre. Ça m'a beaucoup plu, mais je ne connaissais pas du tout. Il y a des gens qui l'ont reconnu lors de l'exposition. Une dame qui est venue me voir. Ça m'a fait très plaisir. Hein. Ben, Slava, c'est un russe. C'est un des plus grands clowns au monde pour moi. C'est un russe, j'arrive pas à dire son nom de famille, c'est Popoli, Poponovi, quelque chose comme ça. C'est pas grave, il nous pardonnera. Mais il y a qu'à se taper sur internet le clown Slava et on verra de suite quel univers, quoi. On est obligé de... Et qu'est-ce qui t'a attiré chez ce clown? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ben, c'est-à-dire que chaque tableau de son spectacle, c'est une histoire en fait. Chaque tableau est une histoire hein, et c'est très inspirant. Mmh. Je veux dire que quand on regarde son spectacle puis qu'on le peint après, voilà, c'est une chose. Mais ensuite, j'ai voulu qu'il me continue à accompagner et cette année, je l'ai peint dans sa vie de tous les jours. Je l'ai peint comme un homme hein, avec ses blessures, hein, bien sûr. Parce que voilà, il reflète beaucoup ça. Hein, puis même au niveau du visage, il y a des traits qui ont été un peu... tu t'es un peu peint aussi. Je me rappelle, moi, quand je l'avais vu, je me suis dit, tiens, je t'ai reconnu un petit peu. Quoi. Je veux dire, parce qu'on se ressemble. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça que sûrement qu'il m'a touché, parce que bon, moi, j'ai jamais été touché spécialement par un clown, quoi. Hein. Il ressemble, hein, on se ressemble. Hein. Il y a quelque chose qui se ressemble, même dans ce spectacle, ça me ressemble. Hein. C'est comme si... Si je le connaissais d'avance, ce spectacle, c'est comme si ça allait de soi. Ouais. D'accord. Et concernant ton travail en général, Comment tu travailles un petit peu tes peintures? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce que ça vient comme ça? Comment est-ce que tu d'un coup tu vas produire beaucoup? Voilà, comment tu travailles un petit peu? Oui, c'est ça. Ce sont des périodes, hein, c'est vrai, où on peint, on est actif. Mais il y a une très très grande période où on y pense. Mais on peint C'est-à-dire, pas. mais on peint pas, mais on y pense beaucoup tous les jours. Moi, je pense à ce que je vais faire tous les jours. Ça me quitte pas. C'est-à-dire que ce que j'ai fait cette année, ça fait plusieurs années que j'y pense. Je peignais pas encore que je, vous voyez, je J'en peignais sais pas encore. déjà. Je pense que même c'est lui qui m'a fait mettre à la peinture parce que voilà, je voulais un peu, je me le suis un peu approprié quoi. J'aimerais bien qu'il le sache un jour, mais ouais, c'est vrai. Hein. J'ai une copine qui écrit le russe et je pense un jour y envoyer De lui envoyer des un. photos, Ouais, complètement. et expliquer quoi. Et du coup, il est où le déclic, t'y penses? Et puis là, tu dis, bon, allez, là, je m'y mets, je peins, là. Est-ce que tu as besoin d'être dans ta bulle? Est-ce Oui, que ça peut arriver à n'importe quel complètement. moment? Il faut pas qu'il fasse beau. Ah, il faut pas qu'il fasse Voilà. beau. D'accord. S'il fait beau, tout C'est-à-dire. va bien. Ouais, J'ai pas on peut envie pas de peindre, n'ai pas d'accord. envie. Faut être triste pour peindre. Ben, il faut que ce soit l'hiver, il faut qu'il y ait une ambiance quand même. Hein. Il faut qu'il D'accord. y ait une petite boule. En ce moment, je suis productif. Hein. Noël Ouais, arrive là. Non, c'est intéressant, ouais. Je produis. Hein. Non, D'accord. non, mais j'ai remarqué ça. Ce n'est pas pour faire de manière. J'ai Non, remarqué ça au mais c'est fil des années. intéressant. Que moi, je me préparais à peine l'été. Je m'étais préparé un super balcon et tout. Mais non. Hein. L'été, tout va L'inspiration bien. Il y a vient les pas, oiseaux, quoi. la nature est là. Qu'est-ce que Et vous ouais, voulez? tout est gai. Mais en même temps, on y pense. Voilà. On y pense. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant. Mais on pourrait peindre le clown au soleil aussi, hein. Ben oui, mais je l'ai fait en train de sourire hein, aussi. D'accord, ok. Je l'ai fait un peu en train de sourire. Je commence à le faire en train de sourire. Parce D'accord. qu'il a compris, là, ça y est. Au début, il souriait pas et maintenant. Voilà. Cette année, il a compris quelque chose, quand même. Il a compris ce qu'est l'amour. D'accord. Et voilà, est-ce que par rapport à l'année dernière, tu espères tout simplement que ça se passe de la même manière ou est-ce que tu attendais de choses? Est-ce que tu vas être peut-être attentif à. Vu que voilà, c'est la deuxième. Je ne sais pas si la première année tu avais Là, c'est exposé. la troisième. C'est la troisième année, voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu attends de différent des années précédentes ou pas forcément? Qu'est-ce que toi tu viens y chercher là-dedans? Bon, déjà, c'est la troisième. J'ai essayé de m'en séparer cette année, de peindre autre chose que le clown se lava. Donc j'avais rangé mes idées et tout, puis ça a duré 6 mois. On aurait dit que je trahissais quelque chose. Je ne suis pas arrivé à me mettre sur autre chose. J'ai essayé, je me suis forcé, mais alors, c'est que ça donne, ça m'a donné le cafard pendant. Puis il y a quelque chose qui me manquait, qui me manquait, qui me manquait, parce que évidemment, je ne pensais plus à lui. Et puis je me suis remis, quoi. J'ai ressorti les aquarelles, déjà ça allait mieux. Et puis je me suis mis à le repeindre et voilà, j'ai senti que. J'ai dit tant pis, hein, si ça fait ça fera une troisième année avec Zalava, mais j'ai dit tant pis, hein, c'est vraiment mon ressenti, c'est vraiment ce que. J'ai dit voilà. Alors j'ai un peu peur, c'est vrai, évidemment, hein, cette année que ça plaise moins, je m'attends à avoir moins de ventes, parce que bon, Zalava, lui, il reste le même quand même. Voilà, mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai de plus en plus peur, c'est vrai. Ouais, Au début, peur on de la arrivait tout. réaction des Ben oui, gens. au début, on arrivait tout innocent, hein, puis voilà ce que j'ai à dire. Et puis, quand ça plaît, au point de vendre, parce que là, quand tu vends, c'est que ça plaît vraiment. Les gens l'emportent chez eux. Après, chaque fois, c'est. Voilà, il faut pouvoir y revenir et continuer à plaire avec la même personne. Hein. Voilà, c'est de plus en plus difficile Ouais, je comprends. pour moi. Je comprends. Voilà. Et du coup, tu y seras quand, si par exemple des personnes souhaitent te rencontrer durant cette exposition? Est-ce qu'il y a des jours où tu seras? J'imagine le jour du vernissage. Oui, bien sûr. D'accord, Bien donc le sûr, bien sûr. mardi 5 décembre, à Oui. partir de 19 h. Voilà, Et est-ce qu'il y a exactement. d'autres moments où tu vas peut-être te présenter sur la pension de famille, voir un peu comment les gens réagissent au Ah tableau? oui, ça, tout à fait, tout à fait. Je suis très attentif. Oh là là, ça, c'est là. C'est le gâteau, c'est la vraie récompense, ça, de se cacher et d'écouter les gens, ce qu'ils ont à dire. Ils ne savent pas que c'est vous qui avez fait ça, donc ils sont libres de penser et de dire ce qu'ils ont envie. D'accord. Alors là, c'est quelque chose. Bon. Hein. Une fois, il y en a un, j'ai vu, il disait oh, je vais prendre ce tableau, je vais prendre ce tableau. Ça. Et puis il y a son ami qui dit bah, attends, on finit de faire le tour. Et ah non, non, non, non, non, non. Quand on va avoir fini de faire le tour, il sera plus là.

sur 93.5 FM de Radio Clapas. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site de radioclapas.fr et également sur le Facebook de l'association La Boussole. Vous retrouverez aussi l'ensemble de nos activités et de notre actualité. Donc aujourd'hui, on est avec, depuis tout à l'heure, on est avec les personnes de la pension de famille L'Atelier, Victoria, Fabrice et Claude, qui sont venus nous présenter la troisième édition de l'exposition L'Atelier, qui aura lieu à partir du mardi 5 décembre jusqu'au mardi 15 décembre, rue de la Gatois, le numéro, Victoria, je ne m'en rappelle plus. 283. 283, rue de la Gatois. Donc, le vernissage est le mardi soir à 19h, le mardi 5 décembre à 19h, et ensuite, vous pouvez y aller tous les jours du lundi au vendredi, jusqu'au mardi 15, de 10h à 17h. Vous serez accueillis à la pension de famille et vous pourrez venir regarder les différentes œuvres. Donc, on en parlait tout à l'heure, vous retrouverez de la vidéo, de la photo, de la céramique, des peintures avec Claude notamment. Est-ce que j'en oublie? Enfin voilà, un ensemble d'art divers et variés, plus d'une vingtaine d'exposants, voilà, de personnes accueillies en pension de famille ou pas, de Montpellier ou pas. Donc voilà, on vous invite à venir vous déplacer à la pension de famille, l'atelier de l'association Gestart, pour venir découvrir l'ensemble de ces travaux. Donc on a pu, durant cette émission, à la fois présenter la pension de famille, présenter un peu cette exposition, son historique. Claude a pu nous amener aussi son témoignage sur ce qu'il allait exposer cette année et puis aussi les années précédentes. Et dans cette dernière partie, on voulait mettre un peu plus en lumière une innovation qui va être en place cette année, un nouveau projet en lien avec cette exposition et l'atelier. Et Victoria et Fabrice vont pouvoir nous en parler. Donc Victoria, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet que vous avez appelé « Projet de l'autre côté » ? Bon, les projets de l'autre côté, ça commence un peu avec une idée de comment intégrer dans cette exposition des résidents, des habitants de la pension des familles qui n'ont pas nécessairement une production artistique, mais que quand même ça se passe chez eux, quand même ils accueillent tous ces artistes, tous ces œuvres, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut les intégrer encore plus. Parce que c'est vrai que je me rappelle que sur les années précédentes, et ce sera encore le cas cette année, vous avez l'exposition des artistes, mais vous avez aussi les personnes qui vivent dans la pension de famille qui vous accueillent lors de cette exposition. Et donc là, l'idée, si j'en comprends bien, c'était de les investir encore plus. De les investir encore plus, et c'est dire que n'importe qui, n'importe comment, on peut trouver des formes d'expression artistique. Et que pour être un artiste, il y a cette sensibilité, mais on peut aussi créer de l'art sans avoir ces grands titres sur la tête d'artiste. Mm-hmm. Et en fait, on a décidé justement de trouver un projet ensemble dans lequel on voulait aussi parler de quelqu'un que des fois on oublie dans les expositions. Mm-hmm. On a les artistes, on a la galerie, mais il y a aussi les spectateurs. Mm-hmm. Et de cette idée-là, on a créé avec un groupe de résidents, donc je vais les nommer, donc Léopold Vardon, Fabrice, on a Fernand Custodio et Sadia Bemakri, Eric Chossopi aussi, que je ne l'oublie pas. Donc, on a fait un petit projet qui va être présenté aussi lors de l'expo, mais qui c'est un projet qu'on a cogité depuis quelques temps et que je laisserai Fabrice expliquer mieux que moi. D'accord. Mais du coup, juste pour essayer de comprendre, du coup, vous avez essayé d'aller chercher des personnes qui n'aient pas forcément, qui en gros vous ont dit non, moi je ne suis pas un artiste, je n'ai pas envie d'exposer parce que je n'ai pas de talent artistique ou je n'ai pas de sensibilité ou je n'ai pas envie. Vous avez essayé d'aller les chercher, ces gens-là, en leur disant non, mais malgré tout, même si tu n'as pas envie, même si tu n'as pas forcément de compétences artistiques, on peut quand même arriver à faire quelque chose d'artistique ensemble. C'est un peu ça l'idée ? L'idée, c'est dire n'importe qui peut être un artiste. Du moment qu'on trouve un projet, qu'on veut transmettre quelque chose, après c'est juste la forme, et la forme, on peut la trouver. Là, on l'a trouvé à plusieurs et on s'est dit que tout est possible. Hein. Je n'ai pas besoin d'être un super artiste, avoir un coup de dessin comme Claude. Ouais. On peut n'importe non, c'est, qui. C'est une réelle innovation d'aller proposer, d'aller dire aux personnes, même si vous n'avez pas de compétences artistiques, comme moi par exemple, vous pouvez créer quelque chose. Est-ce que ça a été dur d'aller les chercher ou... Je pense qu'à les gens, quand on fait des œuvres collectives, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas un certain stress de quand on est tout seul face au public, face à ta feuille pour un dessin, etc. Donc quand on dit qu'on va faire quelque chose de collectif, il y a quelque chose de plus détendu. Et d'un coup, on est beaucoup plus détendu, on suit, on s'encourage, on s'aide les uns les autres. Et finalement, ma foi, on a déjà pas mal avancé sur ce projet. D'accord. vu que le vernissage, c'est la semaine prochaine, on a intérêt à avoir avancé. Mais c'est vrai que l'aspect collectif, ça aide beaucoup. C'est ça qui a stimulé, voilà, ça stimule beaucoup. Qui rassure aussi. Et qu'il y a des gens aussi qui ont envie de participer, tout simplement. Claude, dis-moi. Oui, je voulais revenir sur ce que disait Victoria, sur le coup de crayon. Je voulais dire que, bon, il y a une technique. Moi, je n'ai pas de coup de crayon. Vraiment, je n'ai jamais su dessiner. J'ai rencontré quelqu'un un jour que je dis, c'est beau ce que tu fais, t'es doué. Il m'a crié dessus, il m'a dit, non, je ne suis pas doué, je l'ai voulu. J'ai été sur les bouquins, si tu veux, tu peux le faire, pas sur les livres. D'accord. Mais tant que tu n'as pas été sur le livre, ne dis pas que tu ne sais pas. On peut devenir, alors. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé à dessiner il y a 4 ans, 5 ans, lors d'un projet, justement, un livre qu'on avait fait. Et voilà. Et après, c'est de la technique, beaucoup. D'accord. Donc, c'est un appel à toutes les personnes qui, comme moi, se sentent peut-être pas artistes. Faites-vous peut-être... Faites peut-être un peu l'effort. Faites l'effort. Ouais. J'essaierai de le faire. On peut être étonné. Oui, vous pouvez vous étonner. D'accord. Ah oui, complètement. Eh bien, je te fais confiance. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Je te remercie, ça redonne confiance à pas mal de personnes, non, donc c'était important. Donc Fabrice, donc ce projet prend forme, projet de l'autre côté. Donc alors concrètement, ça consiste en quoi? L'idée d'intégrer un peu les spectateurs à l'exposition. Ben, l'important, c'est la rencontre qu'il va avoir entre l'artiste et le spectateur. Parce que... L'artiste, ils ont leurs œuvres, mais les spectateurs, ils sont des artistes d'un autre côté. Ouais. Et alors concrètement, comment vous les représentez? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans les groupes de travail pour représenter les spectateurs? Bon, on a fait 4 silhouettes, 4 personnages qui ont été peints. D'accord. Qui ont été à grandeur nature et on les à taille humaine. À taille humaine. D'accord. Et comment vous avez fait ça? Avec des photos qu'on a projetées contre des plaques, de contreplaqué. D'accord. Et après, on a coupé à la scie circulaire et on a peint. D'accord. Et donc, ça fait des silhouettes à taille humaine, quoi. Voilà. De 1m80. Voilà. Après, ça dépend de la taille de la personne, bien sûr. Et vous en avez fait combien? 4. 4. Et alors, du coup, elles vont être disposées au sein de l'exposition? Ils vont être exposées au sein de l'exposition. D'accord. Sur des lieux particuliers ou... Avec les photos, à côté des photos, un peu partout dans la pièce. On va essayer de voir, une fois qu'on fasse l'accrochage, en fait, on va voir quelle forme ça prend. Et après, on avait dit que les silhouettes vont être exposées à dernier moment. C'est-à-dire, un peu en suivant, qu'est-ce que ça donne avec tous les œuvres sur place. Hein. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que vous en attendez de la réaction un peu du public sur... Sur ce nouveau projet et sur le fait de les rendre un petit peu acteurs, qu'est-ce que vous espérez comme... qu'est-ce que vous attendez des spectateurs quand ils vont voir ces silhouettes? C'est qu'ils puissent voir que chaque acteur puisse être... chaque spectateur puisse être un artiste, même sans être peintre, sans être photographe, mais tout le monde a sa chance, quoi. D'accord. Et est-ce que, par exemple, les spectateurs pourront, je ne sais pas moi, dessiner sur les silhouettes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé comme ça ou, Bon, pas spécialement, mais nous, ce qu'on aime de ces projets collectifs, c'est qu'ils évoluent avec des idées, on dirait qu'ils finissent jamais, en fait. On peut toujours s'améliorer et des fois, soit Fabrice, soit les autres personnes qui participent au projet, ils peuvent donner des petites idées et on les adapte et on les intègre à ce type de projet. Quoi. C'est tout le temps en mouvement, quoi. Ben, heureusement. Heureusement, parce que comme ça, on a l'impression que le projet ne nous appartient pas. En fait, on est juste à l'origine, mais la forme finale, ça devient aussi une surprise pour nous, parce qu'elle est en constante évolution. Pas, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, toi, Fabrice, comment tu as travaillé un petit peu sur ces groupes de collectifs? Vous vous êtes vus souvent, vous avez travaillé souvent, c'est Victoria qui est venue te chercher. Comment toi, tu as travaillé là-dessus? Victoria m'a proposé de travailler sur le projet des silhouettes. Tout simplement, j'acceptais, sans trop savoir où que j'allais. Ouais. Souvent comme ça d'ailleurs. Ouais. Et voilà quoi, et après je me dis que c'est très bien de le faire. Et est-ce que, comme disait Victoria tout à l'heure, est-ce que le fait d'être en groupe, ça t'a aidé plutôt que de faire quelque chose tout seul? Est-ce que c'est le fait que ce soit en groupe où tu t'es dit ouais, j'y vais ou pas forcément? Non, moi ça me donne une motivation supplémentaire. Savoir de travailler en groupe, ça me motive. Ouais, ça stimule, c'est ce que disait un petit peu. Ça me stimule et c'est vrai que si je travaille seul, je le ferai pas. Ça vient moins? Non, je le ferai pas du tout même. D'accord. Et donc du coup, les silhouettes, vous allez les exposer à partir le jour du vernissage, c'est ça? Le jour du vernissage, voilà. Il faudra faire entre tous ces tableaux, entre toutes ces photos. Il y aura aussi les silhouettes à contourner et à regarder pour voir quelle forme prend cette exposition. L'idée aussi, c'est se dire que dans une dynamique artistique, il y en a plusieurs personnes. Il y a tout le monde qui participe. Donc, les spectateurs, ils sont à leur place. Et c'est pour ça qu'on vous demande de venir nombreux à voir l'exposition, parce que, sincèrement, on les oublie, les spectateurs, quand on parle d'art. Et c'est une rencontre à ce moment-là qui s'est faite. Et que sans eux, il n'y aura pas de galerie d'art. Oui, il y aura des tableaux. Sans artistes, il n'y a pas d'exposition, mais sans spectateurs, il n'y a pas d'exposition plus. Quoi. Non, c'est plutôt original comme point de vue de rendre acteurs les personnes, les spectateurs. Donc voilà, vous qui nous écoutez, à partir du mardi 5 décembre, voilà, vous aurez aussi votre place, vous, en tant qu'artiste, dans ce projet-là. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en tête déjà depuis longtemps? Comment ça vous est venu est-ce que c'est par rapport à l'année dernière ou les éditions précédentes, vous avez dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire? Moi, je pense que l'idée principale, c'est née de comment on intègre différemment les résidents de la pension de famille. C'est un peu dans cette idée-là qu'on avait en tête, de que c'est quand même bien parce qu'ils sont un peu commissaires d'expo, parce qu'ils sont là, ils s'ouvrent la porte, ils s'expliquent les gens, ils les reçoivent, donc c'est très sympa. Mais bon, on voulait cette façon de participer, elle n'avait pas touché tout le monde. Donc il y en avait certains qui le faisaient et qui le font très bien, et heureusement qu'ils sont là. Ouais. Mais il y en avait des autres qui ont senti qu'ils avaient envie de participer un peu plus. Mais on ne savait pas comment. Et donc, petit à petit, parce qu'ils disaient, mais nous, on participe parce qu'on va regarder l'expo. Ouais. Ben, j'ai dit, alors, si vous participez en regardant l'expo, vous êtes des spectateurs. Et d'un coup, c'est le fil qui nous a amenés à créer ce spectateur, cette silhouette-là, qui d'ailleurs c'est très sympa parce que c'est des photos de nos résidents en fait. Il y en a quatre de nos résidents qui sont représentés en taille humaine sur des silhouettes. Donc il y a les photos carrément des résidents. C'est pas des photos en fait, si tu vois, on avait parti d'une idée de photos de nos résidents qu'on a transféré dans des bois, comme disait Fabrice. Ouais. Et hier, on a eu Fabrice qui en a coupé à la scie tous tout ça. Travaillant sur ça, et c'est très drôle parce qu'on reconnaît nos résidents dans ces silhouettes-là. D'accord, à travers les silhouettes. Je pense que les gens aussi qui vont venir à l'exposition, ils pourront jouer à reconnaître quelles personnes sont représentées dans ces silhouettes. Ouais, donc ça a permis d'intégrer des personnes qui étaient pas forcément, qui se sentaient peut-être pas forcément participer à cette action-là, de pouvoir y participer. En incluant aussi le spectateur, donc c'est plutôt original. Et par exemple, aujourd'hui, sur l'ensemble de vos résidents de la pension de famille, vous avez réussi à pouvoir impliquer tout le monde, ou est-ce que malgré tout, il y a encore des gens que ça mais de toute façon, il y a du fait d'avoir envahi avec toute cette production artistique à la pension, ils sont tous déjà participants d'une façon ou d'une autre. Sont tous impliqués. Après, effectivement, il y a des gens qui s'impliquent différemment. Pour nous, déjà, on n'oblige pas les gens à s'impliquer, il faut aussi qu'ils veulent le bien. Mais pour moi, l'implication, elle est déjà de quand on propose un projet comme ça, ils disent oui. Pour moi, c'est déjà une implication énorme, parce que je ne sais pas si je voudrais que dans mon salon, il y ait un peu exposé et qu'il y ait beaucoup de gens avec vernissage et passage et tout. Donc, déjà, le fait qu'ils acceptent ça et qu'ils nous disent OK, on est là, ça ne nous dérange pas, pour moi, c'est déjà une façon de s'impliquer. Et oui, parce qu'il faut prendre conscience que vous êtes chez les personnes qui vivent là, quoi. C'est-à-dire que même si elles ont chacun leur logement, il y a des parties communes qui sont leur logement à eux, c'est-à-dire qu'ils vous accueillent vraiment chez eux. Donc on vous invite vraiment à venir à partir du mardi 5 décembre. Je voulais aussi en profiter un petit peu. Est-ce que vous avez pu repérer au fil des années des effets que pouvait avoir cette exposition? Est-ce que ça reste un moment sur le temps de l'exposition où il y a un plaisir partagé? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu repérer sur l'effet que ça avait pu avoir, soit sur des personnes en particulier, soit sur la vie au sein de la pension de famille? En plus, on est sur une période où on arrive sur des fêtes ou des choses comme ça, qui sont des périodes pas forcément simples non plus. Voilà, est-ce que vous avez pu faire repérer des choses par rapport à ça? Là, je parle personnellement, mais on a déjà parlé avec des autres personnes. Je pense que l'aspect principal positif, le plus positif, c'est le changement de regard qu'on peut apporter. C'est super gratifiant pour les personnes qui participent dans cette expo. On ne les regarde pas comme des personnes accueillies ou dans différentes structures. On les regarde tout simplement comme des artistes. Et ça, ce changement de regard, il était tellement valorisant. Et c'est quelque chose pour moi, de magique. Parce que d'un coup, on ne parle pas des personnes comme des personnes qui font une production artistique, qui sont accueillies dans des dispositifs sociaux ou pas. Mais c'est simplement des artistes. Et ça, je trouve que c'est très valorisant pour les personnes qui sont là, qui participent de ça. Je trouve que c'est l'aspect, l'objectif principal, en fait, c'est la mission, c'est dire, voilà, dans l'idée de l'accès à la culture pour tous, effectivement, mais tous, on est des artistes, tous, on voit plus, on commence à voir la personne derrière les situations difficiles que peuvent rencontrer certains de nos résidents, certains des personnes qui participent dans cette exposition. Donc on voit la personne derrière tout ça et on voit la capacité et la sensibilité artistique de cette personne, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça rejoint aussi complètement le but même de cette émission de radio, de pouvoir faire en sorte qu'on porte un autre regard sur les personnes qui peuvent être à un moment donné dans leur vie en situation de difficulté. Et l'idée de votre présence aujourd'hui, voilà, c'est aussi pour pouvoir mettre ça en avant. Je pense qu'on a bien fait le tour de autour de cette exposition. Est-ce que vous auriez des éléments, des choses à rajouter éventuellement, Claude, Fabrice ou Victoria, quelque chose en particulier? Non, à part de remercier les gens qui organisent ça, hein, pour qu'on puisse s'exprimer dans des conditions. Bon, voilà, moi je vois ces gens préparer le projet, ils y mettent vraiment du cœur. Hein. Oui, puis on a vraiment affaire à voilà, pour avoir vu comment ça pouvait être en place. C'est pas semblant, hein. On transforme vraiment la pension de famille est transformée en galerie d'art. Donc voilà, n'ayez pas de crainte à vous déplacer dans une pension de famille, même si on est à la Mosson ou quoi que ce soit. Voilà, vous allez être surpris de ce qui vous est proposé. Et voilà, on vous invite vraiment à avoir la curiosité et à venir faire l'effort de à la fois venir regarder les œuvres qui sont présentées, mais aussi de participer, parce que vous serez aussi un peu acteur de cette exposition. Donc je vous rappelle, donc c'est à partir du mardi 5 décembre à 19h, vous avez le vernissage. Donc ça se trouve à la pension de famille, l'atelier de l'association Gestar au 283 rue de la Gatois. Voilà. Au 283 rue de la Gatois, arrêt de tram Aune-Massane, c'est le bâtiment qui est juste derrière. Voilà, vous serez accueillis chaleureusement par l'ensemble des personnes de la pension de famille. Vous pourrez aussi rencontrer les artistes tels que Claude, qui voilà, si vous voyez le clown Slava, vous aurez une pensée pour Claude, vous saurez que c'est lui. Et voilà, donc on vous invite vraiment, donc vous pouvez vous y aller tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 17h au 183 rue de la Gatois à Montpellier, arrêt de tram Aune-Massane. Il y aura plus d'une vingtaine d'exposants, comme on a pu vous le dire, au tir de la vidéo, la photo, la céramique et autres. Voilà, bah écoutez, on va finir là-dessus. En tout cas, on voulait vous remercier d'être venu de nouveau dans nos locaux, vous féliciter de nouveau pour l'ensemble de votre travail, que ce soit en termes d'organisation, mais aussi des artistes. Vous féliciterez pour nous l'ensemble des artistes. Donc rendez-vous le mardi 5 décembre à partir de 19h et c'est jusqu'au 15 décembre au 283 rue de la Gatois, à côté de l'arrêt de tram Haut-de-Massane. Avant de se quitter sur une dernière chanson, on voulait de nouveau remercier Radio Clapas de nous accueillir sur le 93.5 FM. Nous, on se retrouvera avec l'association La Boussole pour l'émission du mois de janvier. Donc en attendant, on vous souhaite à tous et à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes. Et on vous quitte voilà, sur un son, donc ça c'est un peu un petit plaisir personnel, un son d'un artiste qui s'appelle Medine, sur une chanson qui s'appelle Nour, qui traite de la condition des Rohingyas en Birmanie. Donc là on en parle pas mal avec Omar Sy, mais avant Omar Sy, il y a quand même pas mal de personnes qui en ont parlé aussi. Donc voilà, c'est très malheureux ce qui se passe là-bas, donc je vous invite à vous intéresser sur la situation des Rohingyas. Encore merci à vous tous d'être présents. Je vous rappelle, le mardi 5 décembre, le vernissage de l'exposition L'Atelier jusqu'au mardi 15. Vous pouvez y aller du lundi de 10h à 17h. En attendant, retrouvez-nous sur Facebook pour l'ensemble de nos activités et sur le site de Radio Clapas. Et on vous laisse avec Medine et la chanson Nour. À bientôt, merci, au revoir. Quelques palmiers en friche nous protègent contre l'orage. Ce soir un vent de force 8 souffle sur les bâches. Des cordes far west à l'ouest du triangle d'or. C'est l'ancienne Birmanie, pays aux 1000 pagodes. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Elle travaille pour un patron, exploitant agricole, depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un boat people. Partie aux mains de passeurs pour trouver meilleure vie, avec par jour une portion de riz et buvant leur propre urine. Elle cultive sous le soleil la plantation de caoutchouc. Une mèche tombante sur l'œil, Tanaka en poudre sur les joues. Employeur d'un homme qui lui refuse le statut de birman, et au visage moins souriant que les statues de Bouddha. Un travail illégal qui lui fournit quelques kiats, lui permettra de carreler sa case avec une toile de natte. Mais surtout, lui évitera de vendre sa ration de riz, celle offerte par les actions de lutte contre la famine. Pour l'homme qu'elle appelle boss, elle n'est qu'une Bengali. Il convoite son corps de femme encore à peine gamine. La laine infectée par un alcool bon marché, et ses avances d'homme marié deviennent rapport forcé. Un jour il dénoue le sarong de Nour avec son bambou, mais la jeune femme crie tellement fort qu'on l'entend jusqu'à Rangoon. Elle couvre sa paire de jambes et sa pudeur virginale. L'homme frappe son visage et la marque de sa bague en pierre de jade. Beaucoup de sang coule sur son pain. Elle court à travers champ de campagne, empoigne le goulot d'une pierre birmane et de son agresseur frappe le crâne. Tombe une pluie de boue, l'homme au bout de son pouce n'a plus de pouls. Se rendre, c'est s'accuser un peu. Alors elle rentre chez elle sur un char à bœuf. Je partirai sur l'eau à l'aube, comme l'ont fait mes parents. Une destinée de jeunes migrantes sur un cercueil flottant. De toute façon, y'a rien pour mon peuple dans les coins alentours. Musulmane, je trouverai mon bonheur vers Kuala Lumpur. Le Myanmar a mis à mal toute mon ethnie. Il faut naître bouddhiste ici, en gros, si tu veux être libre. Mieux lotis sont les chiens des anciens militaires. Moi je vis dans un camp déplacé, je dors à même la terre. Surpeuplé, mon village c'est le marché aux bestiaux. Et à chaque fois que je vais en sortir, un policier me questionne. Anti-Rohingyas, leur loi régule naissance et mariage, car les peaux brunes auraient la fertilité animale. Apatride en prédation au pays du pacifisme, à cause d'extrémistes et d'une foule qui agit par suivisme. On vit un flagrant déni, qui par leur temple est béni. C'est décidé, demain matin je quitterai cette vie pénible. En arrivant au camp, quelques moines bonzes l'attendent. Elle remarque les traces de sang sur leur robe safran. Au loin, elle voit sa matrace à mise à sac. Autour d'elle, les moines forment un cercle et l'attaque à 5. Des armes en bois de tech pilonnent son corps et sa tête. Les coups les plus violents l'atteignent. Sous son œil forme un autem. Les côtes flottantes perforées, sa 13 d'enfants pleines de terre. Son esprit se demande quand même quel traître a pu donner l'alerte. Violence aveugle, des hématomes suturent ses yeux. Elle entrevoit tout de même la besogne de ses hommes de Dieu. Fusil d'assaut en bandoulière contraste leur tissu orange. Les enfants courent dans les rizières et détalent dans tous les sens. Secte de prêtres bouddhistes au service d'un état raciste et d'une police complice qui extermine son peuple à la racine. Du guet à penser de la cible, son corps d'enfant qui se calcine suite à l'incendie de son tissu. t-shirt qui maintenant la brûle comme de l'acide. Son corps squelettique se carbonise, elle hurle à la mort, elle agonise. Entend les rires de ses pouces au crime qui résonnent dans tout le bidonville. La pluie de la mousson tombe et peine à l'éteindre. Laissera son corps encore fumant au bord de la jungle. Petite Nour fut inhumée, son peuple épuré, entassé dans des charniers. Enfant du destin, enfant de la guerre. Rohingya, Ouïghour, Sri Lankais, Tibétain, Karen, et tous les peuples opprimés.